écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 245e épisode le 5 octobre 2021. Amazon nous annonce une nouvelle palanquée de produits connectés pour la maison qui s'avéreront probablement plus ou moins utiles, d'une échelle allant de l'inquiétant à la curiosité qui laisse circonspect. En passant par l'étonnant, on va faire une revue ensemble. Il y a un cadre connecté, de nouvelles sonnettes, un thermostat ou encore le tant attendu, tant redouté ou tellement risible, allez savoir, robot de surveillance à domicile. On parlera aussi de la recherche de Google qui continue à progresser pour nous aider sans cesse à toujours plus consommer du contenu et plus s'y affiniter avec son incontournable moteur de recherche. Et quand je dis incontournable, je pèse mes mots, figurez-vous que le truc le plus recherché sur son principal concurrent américain serait Google. On va en reparler. Et puis on abordera aussi la panne du multivers Facebook qui a eu lieu hier soir au moment où on enregistre, et l'identité de la lanceuse d'alerte qui a été révélée. Il y a désormais un nom et un visage derrière les derniers SFS, les scandales Facebook des semaines dernières. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui brave les rhumes les plus carabinés pour être présent encore et toujours, semaine après semaine, dans votre podcast d'actu tech favori. Vous ne le trouvez toujours presque pas sur internet, sauf quand vous cherchez à commander son livre Machine de jeu. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Eh oui, show must go on. C'est beau, t'as toute l'énergie derrière toi, tous les grogs, le miel, les tisanes, j'imagine, en renfort. Ouais, j'ai même les antibiotiques là, donc tout va bien. Ah oui, bon, effectivement, tu es au bout du bout. Bah, très bien, je suis sûr que tu vas redoubler d'énergie du coup pour nous, merci beaucoup. Et je suis accompagné également dans cet épisode par un autre frère d'armes, mon compère, néanmoins technophile, enthousiaste, lui aussi, amoureux d'Apple, évangéliste du cloud ou info nuagique, c'est Matt, alias prof du web. Salut Matt. Ça me fait grand plaisir d'être là et d'enregistrer pour la première fois avec Guillaume Poggiaspala. C'est réciproque. C'est un grand plaisir. Puis à titre perso, je suis un peu ému de vous avoir tous les deux là à côté de moi dans un podcast. Ça me fait vraiment très plaisir. On a un bel épisode qu'on va couvrir ensemble. Mais avant, je me dois de vous rappeler les incontournables, à commencer par l'importance pour nous d'avoir vos avis sur les applications de podcast. Il y a Apple Podcast, mais il y a aussi Podcast Addict qui propose le dépôt d'avis qui sont consultables par tout le monde. Et il y a Cémaurice qui a dit par exemple sur Podcast Addict, il a dit Tech Café, par la qualité de ses intervenants, sa forme légère et dynamique est devenue ma référence et mon compagnon. Vous êtes au top. Et c'est toi, Maurice, qui est au top d'avoir laissé cet avis. Donc, si ce n'est pas encore fait, vous aussi, criez votre satisfaction avec Tech Café et foncez déposer un avis sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Je vous le rappelle également que donc, Tech Café est dispo sur l'application de podcast Tumult, T-U-M-U-L-T. Réagissez à un emplacement précis de l'épisode pour entamer le dialogue. Vous pouvez faire pause, par exemple, dès maintenant, là, tout de suite, là, au moment où vous écoutez ces mots, pour nous faire un petit coucou. L'app évolue à vitesse grand V. Merci beaucoup à vous de tester cette application et de faire vos retours. Et puis, mention spéciale à Chemical Gamer, ça me fait penser à Chemical Brother, à Patou, Franck Artera, à Max Zedoser, Rawen Risbe et Pierre Neuvillet pour leur soutien et leur participation sur Patreon. Grâce à eux et à d'autres abonnés qui bénéficient du plus privé sans la pub, du chapitrage des épisodes, et des infos exclusives, vous êtes assuré d'avoir votre podcast encore longtemps. Pour en savoir plus, c'est très très très très simple. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé. On attaque avec des premières news à chaud parce que à l'heure qu'il était hier, il y avait toute une partie d'Internet qui était tombée, qui était inaccessible. C'était les services de la galaxie Facebook, y compris Oculus, qui était indispo pendant plusieurs heures. Je crois que c'est un record, si je ne dis pas de bêtises. Moi, j'ai vu ce matin la publication sur Instagram, ironie, d'Alexandria Ocasio-Cortez, vous savez, cette élue américaine, qui a rebondi sur cette panne. Elle disait d'ailleurs à quel point il y avait des commerces ou des populations qui se trouvaient bloquées dans leur activité par cette panne. Elle rappelle bien évidemment que Facebook a racheté WhatsApp et Instagram, notamment parce que la concurrence que ça représentait leur faisait un peu peur. Et elle disait, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour justement les démanteler ? Guillaume, je suis sûr que tu as été très embêté, toi, hier soir, par cette panne, puisque tu n'as pu accéder à aucun service de la galaxie Facebook. Oui. Moi, évidemment, ça m'a un petit peu fait rigoler, je vous cache pas, parce que moi, je me suis absolument pas rendu compte, tout simplement. J'ai absolument rien vu, évidemment, donc que j'ai vu passer comme ça la nuit. Je me suis dit, ah ouais, si, hein, c'est marrant. Et alors qu'effectivement, certains criaient à la panne d'Internet global, certains pensaient qu'Internet était mort, que c'était la fin de la civilisation, mais non, en fait, c'était... Apparemment, d'après ce qu'on en sait, c'était un problème de BGP. Donc, c'était pas un problème de DNS, comme on l'a cru au début. Bon, le problème de BGP, c'est un problème d'infrastructure Internet, quoi. Donc, c'est un truc qui est quand même de très, très haut niveau. Et une grosse boulette, ça commence à être facile de faire à compter à des très hauts niveaux d'infrastructure, parce qu'il semblerait que les routes BGP vers Facebook aient été retirées par erreur. Donc, alors, c'est pire qu'un problème de DNS, en fait, hein, puisque c'est Facebook en tant qu'entité, en quantité autonome, en tant qu'autonomous système, comme on dit, qui a disparu d'Internet tout bêtement. Donc, on peut expliquer un petit peu ce que c'est. Bon, c'est peut-être l'occasion de revenir un petit peu sur comment fonctionne BGP et bien Internet au sens large, quoi. Parce qu'on dit souvent que Internet, c'est un réseau de réseaux. Et c'est vrai, et ces réseaux-là, hein, qui forment ce réseau de réseaux, ben, ils ont un nom, on les appelle les Autonomous Systems, donc systèmes autonomes. Donc, les AS, souvent, c'est AS quelque chose, parce qu'en fait, ils ont des numéros. Par exemple, AS5511, c'est Orange, en France. Hein. AS206-17, c'est BNP Paribas. AS35540, c'est OVH. AS2200, c'est Renater, etc. Donc un AS, donc c'est pas vous ou moi un AS, hein, un autonomous système, c'est un gros réseau qui comporte lui-même un gros paquet de routeurs et qui est autonome, dans le sens où ce réseau fonctionne avec ses propres tables de routage qui sont gérées en général par une grosse boîte, genre donc un fournisseur d'accès ou une grosse banque. Et ce sont des entités privées qui gèrent le réseau qui est gros et multisite, hein, souvent. Et donc ces AS sont considérés comme étant des pairs entre eux, dont l'interconnexion forme Internet lui-même, tout simplement. Alors maintenant, quand un paquet de données, donc il part de votre PC, il va chez Facebook, ben en fait il se balade dans le réseau donc AS15557, qui est celui de SFR, et ensuite il va aller vers AS32934, qui est Facebook. Mais il peut pas le faire directement, donc il va devoir passer par d'autres autonomous systems, comme Renater, probablement, hein, donc comme AS2200, et bien d'autres. Ce qui détermine parmi ces AS, en fait, hein, qui vont se passer la patate chaude, c'est BGP, donc c'est Border Gateway Protocol, donc c'est un protocole qui est utilisé par les AS, et c'est avec ça qu'ils se mettent d'accord, en fait, sur qui envoie quoi à l'autre. Donc en simplifiant, c'est un peu comme système postal, hein, c'est-à-dire votre lettre, vous la mettez dans la boîte, et selon son adresse, elle passe par des centres postaux de différentes villes, qui se coordonnent pour qu'elle arrive bien au bon endroit. Là, c'est pareil, sauf que pas tout à fait, puisque les AS sont des entreprises différentes, hein, c'est pas une même entreprise, évidemment, c'est des entreprises différentes, qui d'ailleurs parfois sont concurrentes entre elles, et qui parfois se font payer le transfert, c'est-à-dire que les transferts sont pas gratuits, ce qui fait qu'en fait, la décision des routes, c'est extrêmement compliqué, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a la proximité géographique, il y a ben, le ping, en fait, hein, évidemment, le temps, mais il y a aussi d'autres trucs, comme par exemple, effectivement, la qualité, la fiabilité, le prix, etc. Donc, en plus, ben, c'est Internet, donc ça change en permanence, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux AS qui arrivent, il y a des AS qui disparaissent, il y a des pannes, chez certains, et tout ça, ben voilà, tout ça fait que les tables de routage globales doivent être mises à jour en permanence via BGP, et voilà, c'est via BGP que se propagent donc ces tables de routage à tous les AS concernés qui permettent d'avoir Internet comme on le connaît. Donc, ce qui semble s'être passé là à Facebook, c'est que Facebook est accidentellement disparu en tant qu'AS, en tant que système autonome, des tables de routage, donc ben, il a concrètement disparu d'Internet. Alors le pourquoi exactement, on ne sait pas, je ne sais pas si on le saura un jour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est les impacts et un peu les conséquences pendant quelques heures. Bon, ils ont perdu de l'argent, mais évidemment, à l'échelle de Facebook, ça va très très vite se combler. Matt, du coup, est-ce que ce n'est pas, encore une fois de plus, la justification de Facebook qui concentre trop d'interactions et qui est un peu une entité incontournable? Parce qu'on le dit, nous, à titre individuel, on peut choisir de ne pas aller sur Facebook, mais il y a des populations qui s'appuient beaucoup sur Facebook, sur WhatsApp, ça, par exemple, parce que les SMS coûtent très cher, ou même des business, des pros qui ont basé toute une partie de leur activité commerciale sur Facebook, parce que c'est assez incontournable. C'est pas un motif, là, ça y est, d'agir sur un démantèlement de Facebook pour toi? Et tu crois trop... tu comprends pas la nature humaine, toi, Guillaume, vraiment. Tu sais, quand des entreprises ont dépensé des milliards pour aller voir leur... Tu sais, pour dire aux clients, allez voir ma page Facebook, allez participer à mes concours sur Instagram, et puis que dans l'après-midi, ça fonctionne pas, ils ont manqué quelque chose, c'est sûr. Tu sais, on est vraiment loin des fondements, hein, d'Internet, d'un Internet décentralisé, puis d'un Internet où si quelque chose tombait en panne, ben, on pouvait continuer à communiquer. Non, on l'a centralisé avec des plateformes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont échangés leur numéro de cellulaire pour envoyer des SMS. D'après moi, ça va recommencer. Il y avait un tweet où il y avait quelqu'un qui disait « J'ai jamais reçu autant de SMS en une soirée que dans les dernières années. » Et non, c'est clair. Et puis, bon, moi, j'ai dans mon équipe, j'ai quelqu'un du Cameroun et c'est mon seul moyen de communiquer avec lui, c'est WhatsApp. Ah. Et j'ai pas pu communiquer avec lui hier. Alors, je me suis dit « Bon, c'est ça, il se cache pour pas travailler. » Mais non, c'était juste que Facebook, que Facebook était planté, en fait, tout ça. Ce qui est pas drôle, c'est qu'il y a deux affaires dans les histoires qu'on a pu lire sur Facebook qui ont été très, très bizarres. C'est que ben, on est en télétravail encore pour beaucoup d'entreprises, on est encore en télétravail. Et puis, le fait de réparer ça nécessitait d'aller se déplacer. Hein? On comprend ça. Et quand ils arrivaient sur le lieu, je lisais que même leur carte ne fonctionnait plus d'accès. Alors, a priori, ils avaient les mails et le calendrier et encore, quoi. Alors, c'est ça. Faut arrêter de centraliser et de mettre tous ses œufs dans le même panier. Et surtout, ne basez pas votre modèle d'affaires sur le commerce d'un autre. Alors, Facebook, Instagram et Alouette. Ça peut être, à la limite, un levier pour se propulser, mais effectivement, de mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est probablement dangereux. Et puis, mais... oui, je ne pouvais pas m'empêcher de citer Oculus, parce que Guillaume, tu as été une voix forte là-dessus. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est marrant, parce qu'effectivement, donc, ça empêchait les gens de jouer aux jeux vidéo sur Oculus, déjà, de base, que ce soit le Quest ou même sur PC, mais ça, c'est allé plus loin que ça. En vérité, si vous utilisez votre compte Facebook pour jouer sur d'autres jeux comme Pokémon Go, et que vous avez lié votre compte, si vous loguez sur Pokémon Go via votre compte Facebook, ben clairement, si Facebook ne répond pas, ben vous pouvez pas jouer à Pokémon Go. Et c'est vrai pour, je suppose, une palanquée de jeux hein, que vous pouvez utiliser comme ça avec ce site. Donc c'est vraiment, ça va très très loin. Hein. C'est Facebook est vrai, enfin peut être vraiment très, enfin vous pouvez vraiment être beaucoup Facebook un petit peu partout dans votre vie comme ça. C'est vrai que là, ça montre à quel point c'est pas forcément une super idée de tout miser sur le même cheval. Ouais, c'est exactement la même chose. Une petite pensée, bon, une petite pensée à tous ces fermiers numériques qui n'ont pas pu récolter leur laitue sur Farmville hier. Ça a dû être pénible. Ah, oui. Ça a dû être pénible. Mais pour en revenir à la personne qu'on a connue, la lanceuse d'alerte, la Française aux jeunes, là. Hier, elle a commencé sa présentation devant l'audition de la commission sénatoriale aux États-Unis en disant « Hier, durant plus de 5 heures, Facebook n'a pas été utilisé pour semer la division, déstabiliser des démocraties et contribuer à ce que des jeunes filles et des jeunes femmes se sentent mal dans leur corps. » C'est boum! Ben, alors c'est super Matt parce qu'on voit, hein, on voit qu'il y a du professionnalisme dans ce podcast, je peux vous le garantir, parce que tu nous fais une super transition pour effectivement parler de l'identité de cette lanceuse d'alerte, parce que durant ces derniers épisodes, bon dans toute l'histoire de Tech Café j'allais dire, notamment depuis Guillaume Pogjaspala officie très régulièrement, voire dans tous les épisodes, mais dans les derniers épisodes on avait des scandales Facebook de la semaine et qui étaient concentrés autour d'une principale source, mais ça y est Guillaume, on a un visage et un nom derrière cette source du coup. Hein. Oui, cette bête noire de Facebook, elle a un visage, un nom et beaucoup de suite dans les idées, malheureusement, puisque c'est vrai que tous les scandales se déroulaient là comme des perles dans les semaines passées, elle venait d'une fuite chez Facebook qui était relayée par le Wall Street Journal. Bah, cette fuite, en fait, elle venait de Frances Haugen, qui est pas n'importe qui, hein, puisqu'on n'est pas sur des révélations faites par une jeune recrue sur un coup de tête, hein, pas du tout. C'est une femme qui a 37 ans, elle est diplômée, bon, elle a diplôme d'ingénieur, elle a un MBA aussi, elle a travaillé pour Google, Pinterest et Yelp, avant d'avoir intégré Facebook, où elle menait la Civic Misinformation Team. Donc c'est un choix qui est très précis, parce qu'elle explique que c'est après avoir perdu un proche dans le complotisme, je cite, hein, que c'est ce qui, voilà, c'est ce qui l'a poussé à donc aller dans, lutter contre l'infox. Donc probablement chez Facebook, puisque bah, voilà, c'est un petit peu là que ça se transite bien. Donc on apprend tout ça dans l'interview qu'elle donne à 16 Minutes Sundays, une émission de CBS, où elle reprend les révélations dont on a parlé, hein, qui embarrasse Facebook dernièrement. Et elle y va pas de main morte, hein, puisqu'elle parle de banqueroute morale, d'un conflit d'intérêts de ce qui est bon pour le public et bon pour Facebook, de mensonges concernant la rigueur avec laquelle il s'attaque à l'infox ou au contenu violent, et elle fait pas tout ça en l'air. C'est-à-dire, tout ce qu'elle dit est étayé par littéralement des dizaines de milliers de pages de recherches, de documents de travail aussi, qui sont internes à la boîte. Et donc, voilà, bon, il y a d'autres exemples. Pour les contenus violents ou haineux, on a même des chiffres, hein, je cite, on estime qu'on agit pour 3 à 5% des contenus haineux et 0,6% des contenus violents, par exemple. Voilà, il semble que Frances voulait sincèrement être au meilleur endroit pour lutter contre l'infox, chez Facebook, là où elle se diffuse le plus, avec une équipe dédiée, donc là, cette fameuse Civic Misinformation Team, et les moyens aussi d'une société hein, qui pèse quand même 1 000 milliards de dollars. Ben, elle a été très déçue, puisqu'en gros, on lui a jamais donné les moyens, elle a été sur Civic Integrity pendant les dernières élections, et dès le lendemain du scrutin, qui s'est plutôt bien passé, voilà, ben, Civic Integrity était dissous, donc, et Frances, donc, du coup, perd confiance en Facebook, qui prend des mesures temporaires, qui revient en arrière, etc., et tout ça lui apparaît comme une trahison, et de toute façon, après l'insurrection du 6 janvier, ben, c'est mort, donc elle décide de partir, avec quelques petits documents qu'elle va montrer à la SEC, parce que il y a quand même pas moins de 8 plaintes qui ont été portées à la Security Exchange Commission. Donc c'est un mec, elle est liée avec un mec qui s'appelle John Tai, qui est un avocat, apparemment spécialisé dans les lanceurs d'alerte. Alors pourquoi la SEC, qui est donc un organisme financier? Alors il faut savoir que la SEC, elle accepte les contributions de lanceurs d'alerte, donc elle les protège légalement quelque part. Donc la SEC, tout simplement parce que tout ce que raconte Frances est complètement à l'opposé de l'image publique de Facebook. C'est à tel point que c'est assimilable à un mensonge aux investisseurs. Donc en gros, quand tu investis ton pognon dans un truc qui empoisonne les régimes politiques, qui détruit la confiance dans la science, dans la société, qui facilite les génocides ou les coups d'État, ou qui mine la santé mentale des jeunes, ben t'as le droit de le savoir. Parce que du coup, si on découvre ça, disons par une fuite, et qu'on voit que t'es parfaitement au courant et que tu fais que dalle, ben ça pourrait affecter le cours de l'action. Et donc Facebook, voilà, c'est un petit peu ce qui se passe. Bon, Facebook se défend, comme toujours, comme c'est sa pile de doc, évidemment, il peut pas vraiment dire que tout est faux, mais par contre, il conteste toute interprétation, bien sûr, hein, voilà, il répète qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, gna gna gna, les pauvres, c'est super difficile. La deuxième personne la mieux placée chez Facebook disait aujourd'hui, disait, on s'en soucie parce que la preuve, on ferait pas toutes ces études-là si on s'en souciait pas. C'est pas malin. Sûr que ça suffise, ça, hein, parce qu'en plus, dans le même temps, alors que c'est vrai qu'Antigone Davis, voilà, qui doit s'expliquer sur l'impact des produits sur les jeunes, hein, donc toujours le Wall Street Journal, ça va pas redorer l'image de Facebook, il ressent encore un truc qui est pas vraiment un scandale Facebook de la semaine à proprement parler, mais bon, je sais pas ce que ce doc, enfin, voilà, ce doc montre de manière un petit peu crue la manière dont Facebook considère les enfants, puisqu'il les considère comme des leviers de croissance. Bon, c'est de bonne guerre, d'ailleurs c'est pas étonnant, hein. Facebook perd du terrain chez les ados, il est bien conscient, donc il cherche par tous les moyens à s'insinuer dans la vie des jeunes, voire des très jeunes, puisque désormais dans leur recherche ils ont 6 intervalles d'âge, donc il y a adultes 16 et plus, 13-15, 10-12, 5-9 et 0-4 quand même. Hein. Oh, et pour chacune de ces dernières tranches d'âge, ben, Facebook cherche à créer des produits, et donc à recruter des utilisateurs qui soient des relais de croissance. Et puis évidemment, il y a une fidélisation du client, hein, puisqu'évidemment, taper chez les plus jeunes, c'est toujours une bonne idée, c'est pas McDo qui va dire le contraire. Donc, il n'y a vraiment rien d'étonnant pour le grand public, si tu veux, c'est peut-être bizarre de considérer les playdates des enfants comme des leviers de croissance, ça sonne pas très bien, c'est comme ça que c'est écrit, hein. Même si ça montre juste l'évidence, en vrai, hein. C'est-à-dire que ce que fait Facebook, ben, il le fait pour lui et pas pour vous. On va clore ces sujets à chaud, et parce que tu le voulais, Matt, hein. Tu voulais un petit peu provoquer Guillaume Pogjaspal dans la préparation de cette émission. Tu voulais parler de l'anniversaire du décès de Steve Jobs, Matt. Ben oui, c'est aujourd'hui, ça fait 10 ans, on est le 5 octobre. Ça fait maintenant 10 ans que Steve Jobs est mort d'un cancer. Ça passe vite, cela dit. Hein. Enfin, moi, je n'avais pas en tête que ça faisait déjà 10 ans. Oui, le temps. Plus on vieillit, hein, Guillaume, plus ça va vite, apparemment. C'est ce qu'ils disent. C'est trop vieux. Alors. Et donc, vous voulez une minute de silence, les gars, ou... Alors, j'ai allumé, je prendrai d'abord la minute de silence, ça c'est vrai. Après ça, je prendrai aussi un petit mausolée du côté de chez Guillaume Pogjaspala avec une pomme en haut pour se y recueillir, s'il te plaît, Guillaume. Mais pas de problème, des pommes, j'en ai plein et elles vont moisir probablement. Peut-être que ça révélera pas mal de choses en vrai. Non, c'est vrai que ça me marque quand même que ça fasse 10 ans, ouais. Alors pas nécessairement pour le décès de Steve Jobs, mais plus sur le fait que le temps passe très très vite. C'est un peu mon inquiétude du moment. Je vois mes enfants qui ont beaucoup trop grandi là. Quand je vois les photos, ça me fait un peu peur. On va se rassurer tous et on va revenir à des sujets peut-être un peu plus bassement matériels, bon. Mais quoique, peut-être pas, si, ça va peut-être pas être si simple, parce que sans autre forme de procès, on va relayer tout ce que nous a annoncé Amazon, parce qu'Amazon, ils ont fait fort, ils ont annoncé plein de produits. Alors là aussi, je suis sûr que Guillaume a déjà fait ses pré-réservations pour s'équiper chez lui, surtout ses appareils merveilleux en matière de domotique dont il n'est pas encore équipé. Je l'ai dit très rapidement, mec, quelques mots. Le mec, t'imagines quoi, genre, le mec, il n'aime pas Amazon, il n'aime pas Apple, il n'aime pas Facebook, mais qu'est-ce qu'il... Mais il déteste la tech, si, en non, fait. Non, alors t'as suffisamment relayé des choses que tu aimais, que ce soit dans Tech Café, que ce soit dans Paraculte, et les gens le savent bien, et les gens aiment aussi la position que tu tiens sur ces sujets-là. Tu dois aimer un ou deux kernels de Linux, sûrement. Ah ouais, le 2, ouais, c'est vrai. Le 2.16 était pas mal. Non, ne parlons pas notre objectif de relayer l'actu tech de manière complète en moins d'une heure. Messieurs, on va donc parler des produits Amazon. J'essaie de vous les décrire parce qu'en podcast, c'est pas évident de vous faire partager ces images. Mais il y a un écran, réfléchissez un petit peu comme The Frame de Samsung, mais qui n'est pas une télé, qui est simplement un écho, les assistants connectés d'Amazon qui sont donc très visuels. Donc vous pouvez remplacer un cadre chez vous, compléter votre nuage de cadre par cet écran. Il y a un cadre avec des oreilles de Mickey, tu vas nous présenter ça, Guillaume. Il y a l'Amazon Glow, dont je pense qu'on ne peut rien comprendre, et une fois qu'on a compris quand même ce que c'était, on a du mal à concevoir qu'on puisse acheter ça un jour, on va voir. Il y a les sonnettes Blink, mais alors là aussi, il y a des sujets, parce qu'il y a les sonnettes Ring chez Amazon, mais ils nous proposent aussi les Blink, donc on est vite perdu. Et puis surtout, Guillaume fait nous rêver avec le robot qui va surveiller notre domicile. Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a marqué, Guillaume? Bah, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a eu une pelletée de trucs avec des trucs plutôt classiques, hein, comme un thermostat, voilà, un écho show avec des oreilles de Mickey. Bon, ça reste un écho show, hein, je vous rassure, il n'y a pas de truc vraiment particulier, je crois. Un bracelet connecté à la Fitbit aussi, les Halo View. Il y a des améliorations pour les Ring Alarm, les sonnettes vidéo Ring, effectivement. Bon, on avait des trucs un petit peu plus originaux, puis voire très originaux, comme tu dis, le Echo Show 15, en fait, c'est un Echo Show 15 pouces, certes, mais sous format cadre classe. Voilà, donc c'est vraiment un format avec un cadre où tu pourras mettre une photo, mais bon, t'as un écran 15 pouces, bon, tu peux même le pondre au mur, si tu tiens vraiment avoir une lithographie qui consomme de l'électricité. À 15 pouces, en 1080p, ça doit consommer quand même moins qu'une Samsung 4K géante, mais enfin bon, dont on avait déjà parlé. De toute façon, vous pouvez pas complètement customiser ce qui s'affiche à l'écran, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, pourquoi pas. Ça reste un Echo Show, hein. Par contre, ils intègrent des nouvelles puces, puisqu'il y a une nouveauté sous le capot, hein. C'est le AZ2, qui, comme son nom l'indique, bah, succède au AZ1. Alors, le AZ1, il permettait aux Echo de faire la reconnaissance de la voix en local. Le AZ2, lui, il va plus loin, puisqu'il s'occupe aussi de la reconnaissance faciale. Donc AZ1 ou AZ2, Alexa reste dans le cloud, hein, bien sûr. Par contre, la transcription de la voix et la reconnaissance des visages se fait dans l'appareil. Hein. Évidemment, c'est mieux à tout point de vue, c'est plus rapide, ça consomme moins de bande passante. Et puis, votre face part pas dans le cloud, hein. Enfin, en tout cas sur le Echo Show 15, qui est pour l'instant le seul à profiter du AZ2. Et ensuite, c'est vrai qu'un truc un peu plus inattendu, c'est l'Amazon Glow. Donc, c'est quoi? C'est un appareil de visioconférence pour enfants. Et alors, les enfants, c'est facilement distrait, ça s'ennuie vite. Hein, vous savez ce que c'est. Donc, Amazon leur a fait un écran de visio relativement petit, un peu mastoc, hein, qui se tient debout, et qui permet aussi de projeter des livres, des mini-jeux, voilà, devant le gamin, des trucs interactifs que, évidemment, les parents peuvent aussi manipuler via une application. Donc c'est pensé clairement pour papy-mamie qui pourront jouer à faire des dessins ou du tangram avec leur petit-fils, à $300. C'est managé, bien sûr, via un contrôle parental, hein, sur les contacts. Le truc est prévu pour, grosso modo, les gamins de 3 à 9, et bon, et je peux pas ne pas vous demander si ça vous interpelle pas, enfin, vous, les darons, quoi. Matt, qu'est-ce que t'en penses de cet Amazon Glow? Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que mon fils a utilisé. Je suis sur la... Oui, mais il l'a utilisé au Apple Store. Alors, c'est un produit qui existe déjà, qu'on peut acheter, qu'on peut adapter sur un iPad pour projeter des choses ou pour regarder des éléments de puzzle que votre enfant fait. Je me rappelle plus exactement le nom, là, peut-être dans les notes de l'émission, peut-être participer à mon manque de cerveau, visiblement, pour la journée. C'est intéressant parce que pour avoir eu des enfants en bas âge en train de faire de la visioconférence pendant une pandémie, je vous assure que le niveau d'attention est très, très bas. Et si ça peut aider, je pense à des clientèles qui sont peut-être, qui ont des problèmes de dextérité. Tu vois, peut-être un spécialiste qui a besoin de montrer des éléments factuels sur un écran puis de voir comment l'enfant manipule. Je trouve ça quand même super intéressant. Je le renvoie pas du revers de la main, absolument pas, ce produit-là. Je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais comme je vous dis, c'est pas nouveau. Je mettrais peut-être dans les notes de l'émission le produit qui existait déjà. Et pour ces aspects-là, je trouve ça intéressant. Maintenant, bon, faut que toute la famille soit bien équipée avec les produits Amazon, j'imagine. Bon, chez moi, mes enfants, ils ont Amazon Kids. Oui. Alors, je vous ai dit tantôt qu'on avait Messenger Kids et on a aussi Amazon Kids à la maison. Et c'est quand même bien foutu, leur écosystème pour les enfants, pour la lecture, pour le suivi. Alors, je fais quand même assez confiance sur l'aspect éducatif, ludique d'Amazon pour ça. Est-ce que je l'achèterais? Bon, ça dépend du prix. En passant... $299. En passant, acheter les produits Amazon en usager, c'est une bonne idée parce qu'il y a beaucoup de gens qui les achètent et après quelques mois, ils ne savent pas quoi en faire. Alors, vous les avez souvent à très, très bas prix du côté de l'usager. Je trouve que c'est une bonne idée, mais comme je te dis, plus du côté de la dextérité des enfants pour les animer ou des choses comme ça, peut-être pas à une visioconférence avec ma mère qui a 70 ans et qui saurait pas comment animer sa tablette de son côté pour faire bouger l'écran projeté. Ça devient un peu compliqué. Je vois ça plus pour des spécialistes, peut-être. Mais on va évoluer hein, là-dedans. On a de plus en plus d'appareils et de possibilités pour pouvoir faire des formations ou en tout cas animer les enfants. Alors, Il y avait le Sprout. Il y avait le Sprout. Non, mais je rigole pas en plus. Vous souvenez pas du HP Sprout? Bien sûr. Combien on a pu faire de jeux de mots dans Tech Café avec le Sprout, effectivement. Ça me rappelle vraiment ça, ouais. C'était pareil. C'était un ordinateur. C'était pas pensé avant. C'était un ordinateur complet. Voilà, c'était un petit peu la même chose, mais pas pensé avant. C'était un véritable ordinateur complet avec un rétroprojecteur qui projetait donc une image tactile. Donc une image avec une caméra pour que ça soit tactile sur le plan, quoi. Et puis il y avait donc on pouvait effectivement faire ce genre de truc là, c'est-à-dire partager un petit peu les deux machins. Enfin, c'était un petit peu la même idée, mais pour les grands, en fait. Ça ressemble à une sorte de Sprout pour les petits. L'expérience utilisateur a l'air quand même diablement compliquée entre la configuration pour les enfants, la configuration pour les parents, la configuration pour les grands-parents à distance qui veulent converser avec leurs enfants. Je trouve que le design, l'ergonomie me paraît vraiment bizarre et un peu encombrante. Je me rends pas compte, ça, il faudrait l'avoir entre les mains. Mais surtout, c'est cher. Vous imaginez, 300 $, votre fils, il a le choix entre le cadeau de Noël de ouf pour 300 $. C'est soit une Switch, soit ça. Allez, franchement, qu'est-ce qui retient le fiston ou la fille? C'est pas les mêmes usages, on dirait. C'est vrai. Il y en a un qui fait plaisir à papy-mamie et l'autre qui fait plaisir que à l'enfant ou peut-être à la famille. Mais bon. Ça sent la pandémie quand même. Hein. Ça sent le produit qui a été pondu en pleine pandémie en se disant qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme expérience. Blink, est-ce que peut-être tu peux nous en toucher un mot, Guillaume, en sachant que moi, je m'interroge encore de pourquoi est-ce qu'il y a Blink qui appartient à Amazon alors qu'ils ont Ring qui est déjà une marque de sonnette connectée. Ça m'a l'air d'être un petit peu en affrontement, ça. Absolument, aucune idée. Pour être tout à fait honnête, j'en sais rien, ça paraît tout à fait redondant, mais peut-être que ça le sera plus dans quelques temps, mais j'ai pas trop regardé. Non, mais ça va. Bon, de toute façon, honnêtement, est-ce que si tu veux un truc avec une caméra, bon, de toute façon, quasiment tout avait une caméra dans ce. Il y avait des caméras, donc quasiment tout. Et il y avait des caméras aussi, des caméras qui volent. Ça, c'est parce que si on va aller un petit peu plus loin dans l'originalité de ce qui a été présenté chez Amazon. Ben on passe carrément dans les produits en bêta avec le Ring Always Home. Donc, c'est une caméra drone, tout simplement. On l'avait déjà relayé, ça. Hein, on l'avait déjà relayé, mais qui est devenu un vrai produit, en fait. Hein, ça y est. Hein, donc, c'est un truc qui, a priori, pour repérer les intrus. Bon, ben voilà, donc ça vole dans votre maison, comme ça, et puis ça repère les intrus, et puis ça les neutralise, probablement en se faisant kamikaze dessus, en leur lacérant le visage avec les palettes tranchantes des hélices. C'est sur invitation, hein, par contre, en ce moment, ça. Ouais, c'est ça. C'est $250 pour une édition Day One, donc une bêta. Que je serais très curieux quand même de voir fonctionner en mode vraie vie, tu vois, avec des chiens, des chats, des enfants, des courants d'air, de la pluie, des portes fermées pas prévues, des cousins bourrés, etc., etc. Écoute, voilà, bon, donc ça, c'était le premier truc un peu bêta, et puis bien entendu, il y a le meilleur pour la fin, parce que tu l'as évidemment évoqué. Un truc que j'aimerais vraiment voir tourner aussi en vrai avec un cousin bourré ou un chat sobre, je sais pas trop, mais c'est Astro, bien sûr. Astro, le petit robot. Je sais pas s'il y a pas un problème de droit avec Sony, d'ailleurs, et Tim Asopi, hein, mais bon. Bon, pour faire simple, Astro, c'est un écho-chou avec des roues à 1500 balles. C'est un truc qui 1500 balles, j'avais pas vu le tarif. Ah, tu me coupes. C'est 1000 balles si tu veux te lancer dans le bêta test. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais ce sera 1500 balles à terme. Donc, c'est super. Donc, c'est un truc qui fait 10 kilos quand même. Il a 5 moteurs, 2 grosses roues et il peut bouger une caméra périscopique à sa tête. Qui est juste une. Alors, sa tête, c'est juste une tablette de 10 pouces hein, sur laquelle s'affichent des yeux un petit peu minimalistes, un semi-visage mignon, quoi. Et bon, son périscope, c'est un truc qui peut s'étendre relativement haut. Voilà, ça peut pouvoir être là, au-dessus des tables hautes ou des trucs. Il est équipé de puces Qualcomm et pas de puces Amazon, étonnamment. Et une grande partie des calculs, quand même, pour la reconnaissance faciale, vocale, et puis aussi pour le mapping et le repérage dans l'espace, se font directement dans le robot, en fait, en local. Pour le reste, ben, c'est l'infrastructure Alexa hein, qui commande. Donc, le robot est équipé aussi de 2 porte-gobelets, ce qui est extrêmement important. Et à quoi ça sert? Ça peut se customiser, ça, à l'arrière, j'ai vu. Hein. On peut changer soit des porte-gobelets, soit un plus grand bac pour les croquettes. Voilà, soit un chargeur de portable, ou ce truc. Je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est pas énorme non plus. Hein, parce qu'effectivement, c'est un truc qui a pas de bras. Donc, il passe pas l'aspirateur. Donc pourquoi mettre 1500 balles dedans plutôt que 10 fois moins cher dans un Echo Show? Ben alors, il donne des cas d'usage quand même. Le premier cas d'usage, c'est celui de la télésurveillance. Donc c'est comme un drone Ring machin qui vole, mais sur roue, tout simplement. Donc Astro peut se balader librement, où il y a des checkpoints, hein, et repérer les bruits suspects ou les gens inconnus. Puis quand il voit quelqu'un d'inconnu, il se jette dessus, il essaie de leur crever les yeux avec la caméra télescopique, hein, j'imagine. Comme Chucky. Et bah ouais, et autre possibilité, c'est le monitoring de pépé ou de bébé, hein, théoriquement, puisque Astro peut suivre les gens et les reconnaître. Donc il peut savoir si pépé va bien à distance, hein, et t'envoyer des notifs si c'est pas le cas. Il peut manifestement livrer des bières, mais il peut pas les prendre dans le frigo, ce qui fait qu'en fait, il veut juste faire cadeau de bière à d'autres gens. C'est vachement con, hein. Quand j'ai vu ça, cette animation-là, je fais, ah ouais, c'est cool, elle apporte une bière, mais c'est qui a mis la bière dans le robot pour l'apporter? c'est quelqu'un avec des bras, parce que pas de bras, bah pas de bière. Donc voilà, donc c'est un Echo Show aussi qui fait tout ce que fait un Echo Show, mais qui peut en plus te suivre. Bon, je sais pas si t'as envie que ton Echo Show te suive partout, mais tu peux maintenant. Peut-être que tu peux lui demander aussi d'aller prendre une photo dans la chambre de ton frère en train de regarder Pornhub, je sais pas. Technologiquement, c'est un gros challenge. C'est vraiment Disney bizarre. Non, pour avoir des dossiers. Et bon, c'est vrai que technologiquement, bon, c'est quand même un gros challenge de faire un truc qui se déplace tout seul, comme ça, sans se viander dans un espace naturel, entre guillemets, hein, quoi, comme ton appart, parce que c'est le bordel, ton appart, il y a des trucs pas prévus, il y a des chaussettes qui traînent, il y a du passage, il y a des machins qui changent. Bah déjà, quand on voit l'enfer que ça peut être pour les robots aspirateurs, dont la fonction est simplement d'aspirer. C'est ça. Donc là, voilà, tu vois, d'un coup, la porte de la chambre, elle est ouverte, d'un coup, la porte de la chambre, elle est fermée. Pourquoi elle est fermée le samedi après-midi? Bon, bref. Donc, Astro est prévu pour apprendre, en plus, au fur et à mesure, justement, pour s'adapter à la vie de la maison. C'est prévu, en quelque sorte. Donc du coup, il observe en permanence tout ce que tu passes, tout ce qui se passe, tout ce que tu fais en permanence. Il identifie aussi les points de circulation qui sont plus denses que les autres et il essaie de les éviter. Donc en gros, il essaye de pas être un boulet qui est toujours au milieu. Bon, reste qu'une maison, faut une maison spacieuse quand même. Et tout ça, c'est si ça marche bien, parce que bon, il y a des témoignages d'ingénieurs qui ont travaillé dessus, qui sont pas très rassurants sur sa fiabilité, sa solidité. Amazon dément, bien sûr. Bon, de toute façon, on verra bientôt hein, lors des tests en vraie grandeur. Donc au-delà de tout ça, moi je m'interroge un peu sur Astro, sur son utilité, parce qu'Astro fait des mimiques mignonnes. Après, je sais pas si ça sera suffisant pour beaucoup de gens lâchent 1000 balles pour l'avoir. Le robot, c'est vrai que ça doit avoir une utilité spécifique, tu vois. Pour être une tablette sur roue, ça suffit pas. On achète un robot aspirateur parce qu'il fait un truc à notre place qu'un autre appareil ne peut pas faire. Donc, est-ce qu'il y a des fonctions qu'a Astro qui sont suffisamment uniques pour le rendre, disons, pertinent? Je sais pas. En tout cas, bon, Amazon veut rendre Alexa omniprésent chez vous. Hein, là, on est vraiment dans du ambient computing, c'est-à-dire tu as Alexa de partout en fait. Tu as Alexa dans ton ordi, sur ton portable. Tu as Alexa à ton poignet. Tu as Alexa dans la chambre de ton enfant. Tu as Alexa à Disney World. Sur des Echo Show. Tu as Alexa dans ton robot. Tu as Alexa dans des drones qui te passent au-dessus de la tête. Et moi, je l'ai dans l'auto. Hein, j'ai un petit module pour l'avoir dans mon véhicule. Tu l'as même dans ta pendule, Matt. Vas-y, avoue. C'est fou. C'est complètement fou. Donc oui, c'est vraiment l'ordinateur en fait. Enfin, Alexa est partout, mais il devient invisible. C'est vraiment le rêve, je crois, de cette omniprésence totale. C'est vraiment le rêve d'Amazon. Ils sont sur la voie. Hein. Matt, un robot comme ça qui se balade chez toi, est-ce que toi aussi t'es circonspect ou tu vois peut-être des cas d'usage qu'on n'aurait pas identifiés? Je me rappelle les premières discussions qu'on a eues quand on a parlé d'Echo. On a fait, mais c'est quoi cette boîte de conserve-là qui fait de la musique et puis qui nous parle? Et puis maintenant, ben, tout le monde en a des genres d'appareils comme ça. La première fois qu'on a vu celui avec un écran, on a dit, ben non, avec une tablette, c'est tellement plus intéressant d'avoir une tablette. Puis finalement, il y a beaucoup de gens maintenant qui prônent que par l'écran. C'est toujours embêtant d'arriver avec un nouveau produit sans connaître les usages. Va falloir les découvrir, va falloir trouver des possibilités d'usage par rapport à ça. Je trouve que le mode sentinelle peut être assez cohérent. C'est le mode sentinelle pour Astro, c'est il se promène dans la maison et puis dès qu'il détecte quelque chose avec sa caméra télescopique, vous pouvez être averti. Ça peut envoyer un signal. Bref, pour des raisons de sécurité domiciliaire, je trouve qu'il y a une certaine cohérence. Bon, pour l'aspect tablette, bière, ben non, c'est gadget. Il fallait mettre quelque chose, mais je me vois mal faire de la visioconférence accroupi à quatre pattes, parce que le robot est pas très haut, hein. On le voit à hauteur de robot quand on le voit dans la publicité, mais dans les faits, c'est pas très haut, là. C'est peut-être 40 ou 50 cm de haut, ce qui fait qu'on ne peut pas faire de la visioconférence à cette hauteur-là. Alors, moi, je vois plus... C'est visio pour les bébés à quatre pattes. Ouais. En fait, la caméra qui te filme peut être relativement... Enfin, peut être plus haute. Elle est télescopique, elle peut être plus haute. Par contre, l'écran, lui, effectivement, il est très bas, oui. Alors, t'as déjà fait de la visioconférence avec une personne qui ne regarde pas dans la caméra? Ça fait toujours un petit peu étrange. Alors, si le visage est toujours en bas, puis la caméra, parlons-en, c'est un module qui est télescopique. Moi, j'ai un robot aspirateur à la maison. Et ceux qui ont une maison qui vit, dites-moi si vous avez réussi à faire fonctionner ça une semaine, jour après jour, sans que le robot ne soit pas coincé dans un fil, qu'il n'ait pas ramassé une chaussette, qu'il n'ait pas ramassé quelque chose. Alors, ça va prendre des maisons très bien rangées ou de personnes célibataires ou qui n'ont pas d'animaux pour que ça vive bien. Mais encore une fois, c'est une nouveauté. On n'a peut-être pas encore tous les cas d'usage. Soyons patients. Maintenant, il y a tous les axes de vie personnelle qui sont un petit peu qui me font un petit peu peur là d'un seul coup, un petit peu comme le drone, hein, d'un seul coup quand quelqu'un peut hijacker cet appareil là dans la maison et se promener à la grandeur de la maison comme il veut. Si en plus il a hijacké la sonnette et puis la serrure qui va bien, je pense qu'il a accès à toute la maison comme il faut. Faut faire attention à ces choses-là. Je les jette pas du revers de la main, mais toutefois, plus vous avez d'appareils dans une maison, plus il faut les sécuriser. Alors, plus vous avez des enjeux qui peuvent arriver, effectivement. Mais c'est une première version. Dites-vous qu'il va sûrement avoir une autre version. On est clairement dans une étape intermédiaire et en tout cas pas aboutie, je pense. Pas comme dans l'ère du smartphone. Mais toi Matt, ton Alexa, c'est quoi la fonction? Cette fonction unique qui fait que Alexa est pertinent et pas redondant avec d'autres appareils. Qu'est-ce qui le rend indispensable? La communication à l'intérieur, la musique. Honnêtement, à l'intérieur de la maison, je me promène plus avec mon téléphone. Tu sais, il n'y a pas de radio pour écouter de la musique. Fait que c'est rendu ces Alexa-là, ces appareils-là qui le font. Le mode interphone à la maison, c'est chouette. Le fait que je l'ai dans mon véhicule et que je demande dans mon véhicule, interphone dans la maison, dit que j'arrive ou est-ce qu'il manque quelque chose sur la liste d'épicerie. Fait que pour moi, c'est vraiment l'aspect communication. Après ça, en second plan, je remarque de plus en plus que mes enfants, c'est un support aux devoirs. Hein. Quand ils font leurs devoirs, ils posent des questions à Alexa, des choses anodines, qui te paraissent anodines. Mais je ne sais pas vous, mais moi, le dictionnaire, on l'utilise pratiquement plus, physique, papier, là, malheureusement. Le Becherel, plein de questions comme ça, ça a été remplacé par ces appareils-là. Puis évidemment, ce qui passe par-dessus tout, c'est l'interrupteur de ma vie, là. Dans le fond, je peux allumer, éteindre la lumière. Et puis, on parlait de thermostat. C'est un confort assez incroyable de dire, peux-tu mettre un petit peu plus chaud? Peux-tu mettre un petit peu plus froid? Ici, au Québec, c'est bien agréable l'hiver, en tout cas. Oui, c'est vrai. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Matt, parce que je trouve que la condition qui fait que ça peut être un cas d'usage qui... est peut-être pas totalement satisfait, mais qui en tout cas donne de la motivation, il y a effectivement le caractère enfant-famille, où il y a un certain nombre de personnes. Alors ça a ses limites, hein, parce que tout à l'heure j'avais mon fils qui nous demandait ce que c'était, c'est quoi une calorie. Puis en fait on s'est retrouvé un peu embêté et un peu fatigué, on voyait pas trop par quelle boule prendre pour lui faire comprendre ce que c'était que de l'énergie, etc. Ça nous semblait un peu compliqué. Et puis il demande ok Google, c'est quoi une calorie? Alors le pauvre, il a eu une définition, vous testerez chez vous verrez que la réponse est tout sauf compréhensible pour un enfant, mais je pense qu'effectivement c'est intéressant ce que tu dis, Matt, parce que c'est assez central le fait d'avoir des enfants, et je pense des enfants dans une certaine tranche d'âge qui déclenchent un peu ces requêtes, ce qui est tout à la fois effrayant d'ailleurs, mais je pense que ça doit être assez central. Ben évidemment, on va le rappeler là, faites attention à la sécurité de ces appareils-là, mettez-les à jour, idéalement en acheter, en usager. Vous allez trouver ça incroyable, mais Amazon, il y a peu de gens qui aiment ça. En tous les cas, qui les utilisent dans le milieu francophone, en tout cas au Québec, et ils les achètent, puis ils savent pas quoi faire avec parce qu'ils n'ont pas tous les produits, ils n'ont pas compris les requêtes que tu peux faire avec. Et souvent, en mode usager, vous les avez là, une bouchée de pain. Alors, Astro le robot, vous allez l'avoir vraiment pas cher dans quelques années, c'est sûr. On a hâte. On a tous hâte. On va terminer cette rubrique quand même pour clore cette revue d'Amazon, parce qu'il y a des choses qui se passent du côté de chez Blue Origin. Alors, c'est pas Amazon, hein, mais il y a quand même l'ombre de Jeff Bezos qui plane au-dessus de cette entreprise aussi, Guillaume. Ouais, Blue Origin est au centre de l'actu spatiale pour les mauvaises raisons. Hein. D'une part, ils attaquent la NASA en justice parce qu'ils n'ont pas été choisis face à SpaceX. Rien que ça. Et d'autre part, au début, ils ont fait des propositions à l'amiable. Hein. Ils sont revenus à la charge en faisant des cadeaux assez énormes et ça leur plaît pas. C'est compliqué parce que bon, Blue Origins donc avait été pas content. Il avait saisi le GAO hein, pour se plaindre de la décision de la NASA. Et il a perdu. Et donc du coup, c'est là, c'est pour ça qu'il attaque directement la NASA. Et cette dernière lui rétorque volontiers que si Jeff avait vraiment voulu remporter le contrat, ben il n'aurait pas fait le pari que la NASA accepterait un contrat à 5,9 milliards, soit plus de deux fois l'offre de SpaceX. Hein. Il aurait directement fait une offre plus compétitive, tu vois, au lieu d'attendre qu'on négocie. Mais bon, voilà, donc on verra ce que ça donne hein, suite au prochain numéro. Parce que bon, l'autre côté, c'est vrai que la grosse actu, c'est que Blue Origins est accusé par une bonne vingtaine d'employés d'être une boîte horrible, tout simplement. Puisqu'une boîte qui se fout de la planète, hein, puisque Blue Origins ne semble pas se soucier des masses des déchets qu'elle produit. Une boîte où la sécurité passe derrière la compétition avec Elon Musk. Une boîte où justement, pour rattraper SpaceX, ben on adopte son mode de fonctionnement. Ou, comme ça serait décrit dans un mémo interne, le burn-out fait partie de la stratégie d'entreprise. Et enfin, une boîte où on siffle les meufs et où on les tripote, et où on fait des allusions à leur look et leur vie perso, on se croirait presque chez Blizzard, avec un petit peu moins de picole sans doute. D'ailleurs, au passage, l'histoire des sexismes et harcèlement chez Activision, c'est fini avant d'avoir commencé, hein, puisqu'il y a un accord à 18 millions de dollars qui a déjà été trouvé. Ben écoute, finalement, ça coûte pas si cher que ça, le sexisme. C'est plutôt cool, hein, parce que 18 millions comparé à 8 milliards de chiffre d'affaires, c'est pas génial. Alors, c'est chiffre d'affaires, mais en 2019, il faisait quand même 1,3 milliard de bénéfices. Je doute que ce soit moins cette année. Mais bon, revenons à Blue Origins. Pour couronner le tout, toute voix dissidente, toute agitation, entre guillemets, serait réprimée. Il y a un gars qui avait 10 ans d'ancienneté dans l'aérospatiale qui décrit Blue Origins comme la pire expérience de sa vie. Donc, il y a... Alors, Ars Technica, quand même, qui a des contacts avec plusieurs salariés de la boîte. Ouais, ça pourrait être une affirmation isolée, il faut la prendre avec des pincettes, mais ça se recoupe. Ouais, ça, ils ont reçu des retours un peu mitigés. C'est-à-dire, ils disent, bon, ouais, d'accord, les mecs, ils en ont quand même gros sur la patate, ça se sent, mais ils ne nient pas un fond de vérité sur l'ensemble, et particulièrement sur l'aspect tyrannique du CEO Bob Smith. Voilà, donc désolé, hein, les métiers de l'espace font toujours rêver, je sais, mais entre Blue Origins et SpaceX et sa culture du burn-out, ouais, vous pouvez compter sur Tech Café pour casser vos rêves hein, chaque semaine en podcast. Oui, c'est garanti pour chaque épisode. Matt, je ne sais pas si tu as une ultime réaction, que ce soit sur la qualité de vie au travail chez Blue Origin, chez Amazon ou sur d'autres sujets, évidemment, avant qu'on passe à la suite. Bah, malheureusement, ça pollue en interne. Facebook pollue les cerveaux des gens. Dans le milieu où on vit, messieurs, il faut faire du profit, coûte que coûte. Malheureusement, c'est comme ça. Et tant que ça ne sera pas autre chose qui va guider notre société, c'est-à-dire pas l'argent, ben on va toujours entendre ces conneries-là. Et l'homme étant ce qu'il est, on va toujours faire comme ça. Il n'y a rien de nouveau. Hein. On a parlé de Facebook tantôt. Ça me rappelait le film Révélation hein, pour la cigarette des gens qui disaient que ces compagnies-là avaient des rapports secrets sur le fait que c'était mauvais pour la santé. Ouais. Le Dieselgate. Il y en a plein partout comme ça. Le sucre. Ouais, ben malheureusement, c'est on n'a pas trouvé de meilleur modèle économique qu'on a en ce moment, c'est le moins pire. Et puis, ben, la tare des hommes, c'est ça va rester. Et puis, je suis fataliste peut-être trop, hein, je pense. Oui, mais malheureusement, probablement un peu réaliste. Bon, vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez, évidemment. En attendant, on va vous parler aussi d'un autre géant qui avance. Alors, c'est un domaine qui est assez fascinant parce qu'en fait, c'est un domaine qui est présent dans notre quotidien depuis très longtemps. On a l'impression comme ça qu'on est arrivé là aussi à une forme d'aboutissement et pourtant c'est quelque chose qui évolue beaucoup, c'est la recherche, le moteur de recherche de Google, Guillaume, qui continue à avancer de manière assez incroyable. Eh ben ouais, Google a annoncé des nouveautés pour la recherche hein, au bien nommé événement Search On. Ça fait moins sexy que les annonces Android et pourtant... Ah ouais Je trouve que pour le grand public, c'est moins suivi les annonces et les évolutions du moteur de recherche. Je vous ramène, je ne suis pas certain qu'il y ait grand monde qui se rend compte que le moteur de recherche évolue autant, alors que tout le monde scrute c'est avec vrai. Intérêt le mode sombre d'Android. Quoi, tu vois, c'est complètement vrai. C'est parce qu'ils le comprennent aussi. Je veux pas être réducteur, Guillaume, mais nuit, c'est visible. C'est vrai. Le moteur de recherche, c'est un peu moins. Tu sais, c'est un peu comme mes conférences sur le cloud où tout le monde s'en fout complètement. Et pourtant, c'est ce qui mène toute l'informatique en ce moment. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais c'est vrai, effectivement, que c'est pas forcément des changements visibles. Encore que donc qui est au centre, enfin, oui, qui est un petit peu au centre de ce qu'a annoncé Google, ça avait été présenté à la Google I.O. aussi. Hein. Oui. Il y avait ce. Donc, MUM, c'est un modèle de langage. ça représente sans doute l'avenir de Google, hein, honnêtement, enfin, en tout cas de la recherche Google. Bon, ça n'a rien à voir avec maman, hein, ça veut dire Multitask Unified Model, et c'est un, bah, c'est un modèle de deep learning qui est de la trempe de GPT-3, donc de l'ordre de 100 milliards de paramètres. Mais lui, il est multimodal, c'est-à-dire qu'en gros, il peut prendre en compte d'autres modes d'expression que le texte, et donc ici, c'est les images. Donc dans le futur, il pourrait d'ailleurs aussi intégrer encore d'autres modes, hein, comme le son ou la vidéo. Donc même à c'est la vidéo à la dernière Google I.O. avec cet exemple de rando sur le mot Fuji. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. Le but ultime de Google, globalement, c'est de comprendre une question en langage complètement naturel, comme un humain, avec un niveau de compréhension humaine, et d'y répondre de manière toujours pertinente, donc pas comme un humain, mais mieux. Et on sait à quel point les gros modèles de langage peuvent être troublants. Bon, MUM connaît 75 langues, il peut non seulement générer ou compléter du texte dans 75 langues, ce qui est déjà énorme, mais il pourrait aussi transférer des informations d'une langue à l'autre. Donc c'est répondre à une question en anglais en utilisant des infos qu'il a vues sur une page en japonais. Donc c'est super ambitieux. Alors, pour le moment, ce qui a été présenté à SearchOn, ça va dans ce sens, mais on va pas aussi loin, pas encore. Parce que MUM est multimodal, donc bon, du coup, c'est Lens qui voit ses fonctions étendues. Donc Lens, c'est voilà, c'est la recherche par image. Donc vous prenez une image, une photo, n'importe quoi, et donc vous recherchez. Alors jusqu'à présent, vous recherchez des images analogues. Et ben là, désormais, on peut compléter la recherche d'images avec du texte. Donc si vous prenez en photo votre chemise et que vous demandez des chaussettes avec le même motif, parce que vous êtes un gentleman et que c'est pas pensable de sortir dans la rue avec une tenue dépareillée, ben tu peux le faire. Encore plus utile, une question peut désormais concerner ce qui se trouve dans une image. Ce qui est bien utile quand tu sais pas ce que tu regardes. L'exemple donné est celui manifestement d'un novice en cyclisme qui a la flemme de chercher l'anatomie de son vélo sur Google et qui préfère prendre son dérailleur en photo pour demander à Google comment on répare ça, ce truc-là. Bon, effectivement, ça peut être pratique pour des tas de trucs, hein, c'est forcément. Bon, du côté textuel, MUM va aussi permettre d'avoir une nouvelle section « Choses à savoir » quand vous faites une recherche, avec des infos pertinentes sur des sujets glanés un petit peu comme ça sur plusieurs sites. Et pour la dernière contribution de MUM à la recherche Google, je dois avouer que j'ai été bluffé, parce que j'ai appris l'existence des pingouins macaroni, qui ont des petites crêtes jaunes comme ça sur la tête, et c'est vrai que ça a fait ma journée. En fait, en français, on dit « gorfou doré », mais on peut aussi dire « gorfou macaroni ». Et bon, je préfère quand même largement les appeler « pingouins macaroni », hein, honnêtement. Il faudra voir comment on dit au Canada. T'as vraiment un problème avec les petits animaux mignons, toi, Guillaume? Oui, c'est possible, j'avoue, effectivement. Je suis resté parce que, bon, voilà, donc c'est parce que, tout simplement, bon, alors, le truc, la fonction, c'est parce que quand tu cherches une vidéo, Google te propose d'autres recherches basées sur ce qui est dit dans la vidéo, et puis là, c'était un truc sur les pingouins les mieux coiffés de la banquise, hein, faut quand même l'avouer. Donc, Google a annoncé plein d'autres trucs, hein, il va étendre la recherche aux inventaires des magasins, avec la possibilité de chercher en ligne n'importe quel article à vendre, un truc identique à celui qui est présent sur une photo. Il y a une amélioration dans la recherche de fringues. Alors, par contre, là, c'est des fringues à acheter. Il y avait des termes, c'est devenu trop technique pour moi. Dès qu'il s'agit de fringues, je comprends plus. Mais voilà. Donc, tous ces trucs sont impressionnants et pratiques dans l'ensemble. C'est quand même assez loin de l'objectif initial de la recherche totalement naturelle, et on sent que MUM est encore en sous-régime, et c'est parfaitement normal, parce que je pense que on a vu avec GPT-3 que les modèles sont extrêmement puissants et aussi extrêmement difficiles à maîtriser. Parce que MUM, à mon avis, comme GPT-3, il parle beaucoup, c'est un beau parleur, il pisse du texte autant que tu veux. Par contre, il peut très facilement raconter n'importe quoi, il peut très facilement partir dans le décor. À mon avis, ça doit être extrêmement compliqué d'être certain que dans un produit fini aussi important, aussi central, aussi... que tout le monde utilise comme Google, d'être certain qu'un truc ne sorte pas des insanités, des trucs faux, des trucs dangereux, des trucs sexistes. Donc voilà, à mon avis, c'est très difficile à maîtriser, mais donc ils vont sortir petit à petit des nouvelles fonctions qui sont basées sur des gros modèles, et peut-être un jour on arrivera à quelque chose de vraiment impressionnant, mais c'est le début déjà, et c'est déjà pas mal. Moi, c'est quelque chose qui m'a convaincu, hein, dans mon expérience et mon vécu technologique, la pertinence de Google quand je vois les résultats des autres moteurs de recherche qui, je trouve, sont à la limite du dangereux et qui amènent parfois à promouvoir des contenus qui me semblent vraiment problématiques. Effectivement, il faut que Google continue à avoir cette... qualité. Bon, c'est pas parfait, hein. Il y a aucun service de ce type-là qui pourrait être parfait, mais enfin, je pense que le travail est autrement plus qualitatif en matière de résultats que les concurrents. Matt, est-ce que tu observes ça, toi aussi, avec ton regard de technophile expert sur le cloud, avec un regard amoureux, ou est-ce que tu as d'autres idées autour de ce que propose Google? Bah, pour revenir sur l'effet Google sur les moteurs de recherche, c'est vrai ce que tu dis. Nous, on a dans le cloud, Microsoft Azure, qui nous fait la promotion de Bing. Et alors, pour tout ce qui est intelligence artificielle, ça, ils essayent de nous placer Bing. Et puis, ils nous disent, vous savez, hein, quand même, on est le deuxième meilleur moteur de recherche. Tu dis, ah ouais, à combien vous êtes? On est quand presque 5% maintenant. alors, tu dis, ouais, OK, c'est beau. Mais c'est une domination sans pareil. Et puis, de faire des recherches visuelles, parce que dans les faits, c'est ce que tu disais, Guillaume, c'est de faire des recherches visuelles. Tu sais, quand tu pointes le dérailleur, c'est vrai qu'il y a plein de moments dans une vie où tu cherches les mots, tu ne connais pas les mots, mais tu voudrais pouvoir faire une recherche. Et tu sais, je vois beaucoup ça pour en lien avec YouTube, par exemple, pour réparer des trucs ou des choses comme ça. Alors, je trouve ça super intéressant d'avoir ce type de façon de rechercher maintenant dans le vrai univers, dans le vrai monde, où quand on ne connaît pas les mots, ben on va les apprendre, puis on va avoir le moyen quand même d'être comme tout le monde, d'avoir l'accès à l'information. Fait que dans ce sens-là, je trouve ça super intéressant. De l'autre côté, je vous ai mis dans les notes de l'émission, vous commencez à le voir venir, hein, vous savez, l'œil dans ce film Terminator. De Terminator qui commence à tout analyser en direct et qui vous dit ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, et ainsi de suite. Ça s'en vient, je vous le dis. Ouais, en tout cas, il y a la ressource qui commence à se dessiner. Moi, je me demandais Terminator au final. Cordula. C'est pas beau. Je me demandais dans quelle mesure est-ce que finalement ça pouvait pas même contribuer à rendre les gens bêtes. Je pense pas au final. J'ai toujours cette vision de démocratiser quand même la connaissance et en fait de lever des barrières. Et c'est pas parce que tu connais pas le mot dérailleur, c'est pas parce que tu connais pas l'orthographe exactement du mot qui caractérise la notion que tu recherches que tu peux pas avoir la réponse et l'information. Donc, au final, je trouve ça plutôt intéressant. Mais je peux concevoir aussi que c'est très intéressant. Moi, je suis très d'accord avec Matt. Hein. Je les connais tout à l'heure, mais c'est évident que moi aussi, il y a des fois, je ne sais pas exactement comment s'appelle un truc. Ça, c'est super utile. Mm-hmm. En vrai, c'est très, très bien intéressant. Mm-hmm. Et c'est un tour de force technologique, d'ailleurs. C'est vraiment très, très, très fort. Et encore une fois, l'exemple le plus bateau et qu'on peut le plus croiser au quotidien, je pense, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment s'écrit quelque chose, encore une fois, qui tape son truc, puis même s'il l'a mal écrit ou mal orthographié, enfin, il va avoir une réponse qui sera probablement pertinente dans l'immense majorité des cas, en tout cas. On parlait de Bing au passage, il faut quand même mentionner le fait que Bing est cité dans des conflits juridiques, Guillaume, qui concernent Google. Oui, parce que Google a écopé d'une grosse prune de 5 milliards en 2018, souvenez-vous, auprès de nous-mêmes, à l'Union Européenne, pour gros forçage de Google Search sur Android, et de Chrome aussi. Donc c'est toujours cette histoire hein, que si t'as pas la distro Android de Google, bah tu peux crever pour avoir le Play Store. Et depuis, ben, il a fait appel, évidemment, par tous les moyens, et même en mouillant ses petits camarades. Et donc déjà, il a dit, c'est pas juste, parce qu'Apple, il fait pareil, monsieur. Et vous lui dites rien, pourquoi vous lui dites rien, hein, monsieur? Pourquoi, c'est un faillot? Parce qu'ils sont pérés dans la mafia, c'est ça? Bon, Apple aussi, il est populaire, il fait sa loi. Moi, je suis le Robin des Bois, là-dedans, en fait. Bon, la commission est pas très impressionnée, puisque la part de marché Apple est très faible en Europe, donc c'est pas non plus si convaincant. Donc cette fois, c'est son petit camarade Microsoft que Google prend par le pull. Et là, lui, il n'a rien fait que me copier avec Bing. il n'y arrive pas. 95% des utilisateurs préfèrent Google. J'y peux rien, c'est tout le monde même, en fait. Les gens, ils vont bien chez l'autre, là, mais c'est pour avoir moins d'adresses. Ouais, c'est le mec populaire au lycée. La recherche la plus fréquente sur Bing, c'est Google. Alors, c'est vrai que c'est fou, ça, quand c'est même. C'est pas comme si je forçais les gens, monsieur votre honneur. C'est eux qui me choisissent. C'est quand même pas un crime d'être aimé. Vous voulez être aimé, non, vous aussi? Soyez pas jaloux. Hein, je peux vous trouver un super site de rencontre en plus, plusieurs, des sites porno si vous voulez. Bon, c'est à se demander, c'est vrai quand même, pourquoi Google paye 400 millions pour être le moteur par défaut de Firefox et 15 milliards pour être celui d'Apple. Bah oui, si jamais on cherchait que ça, c'est quand même bizarre, effectivement. Bon, un dernier mot, Matt, peut-être, sur ce conflit spécifiquement ou sur d'autres choses qu'on n'aurait pas abordées par rapport à Google. Dans mon équipe, j'avais un développeur qui utilisait Bing, puis je me disais toujours, comment ça se fait qu'il... Pourquoi? Pourquoi tu te fais du mal? Je disais, Guy, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu utilises Bing? Il s'appelait Guy, ouais. C'est pourtant quelqu'un. Et pourtant, ben, j'ai fini par découvrir, savez-vous que... Alors moi, je l'ai appris il y a peu de temps. Quand tu utilises Bing, tu peux avoir des crédits pour avoir des rabais sur Xbox. J'ai fait, mais il faut être malade quand même. Oui. Vraiment? Oui, ici, t'as ça. T'as des crédits que tu peux avoir sur Xbox. On en est rendu là avec Bing, hein. Faut faire attention. Hein. Partenaire avec McDo, ça pourrait marcher. Il y a un truc à lancer, il va falloir qu'on y réfléchisse. On va, tu parles de Xbox, on va parler jeux vidéo, un petit peu une petite chronique de news autour des jeux vidéo. Et moi, j'attends toujours, hein, forcément, Guillaume, cette Switch 4K qui pourrait sublimer mes jeux Mario en haute définition, en très haute définition. Ouais, non, mais tout le monde rêve en couleur d'une Switch 4K, même Bloomberg apparemment, hein, qui dit que ça y est, les gens, ils ont reçu des kits pour faire des trucs en 4K sur Switch et tout, vous allez voir. Que dalle, tout ça a été douché très très rapidement par Nintendo, qui leur a dit, on ne travaille pas sur une Switch 4K. Va falloir faire avec maintenant, les gens. C'est fou le nombre d'infos Bloomberg phares comme ça dans la tech qui se sont avérées être un petit peu des flops quand même ces derniers temps. Mais bon. On va parler un petit peu de Windows 11 parce que bon, c'est pas forcément la gloire autour de cette nouvelle version du système d'exploitation. Notamment là, après les problèmes de CPU qui seraient pas compatibles avec Windows 11 parce que pas assez sécurisé. Maintenant, la TPAC, ça a pas forcément fonctionné très très bien au niveau des jeux vidéo, Guillaume. Je sais pas. Est-ce que ça sent pas le Vista? Ça sent le Vista, non? Bah, moi, je pense. C'est pas MT. Ça sent le Microsoft Point. Hein. Mais tu sais, non, mais ça sent. Ouais, ça sent peut-être plus le Windows 8 que le Vista. Mais tu sais qu'on a un pattern là, quand même, hein, puisque on sait bien qu'à chaque fois qu'il y a un Windows potable, après il y a un Windows foireux, puis après il y a une malédiction potable. Ou une volonté? Honnêtement, visuellement, je le trouve super beau, moi, super bien réussi. En tout cas, les previews que j'ai pu voir, j'ai pas de Windows, mais je le trouve super. Super réussi. Mais j'avais eu la même réaction quand j'ai vu Vista. Non, mais tu sais, en plus, il y a des, bon, il y a des widgets partout, comme sous Vista. Il y a une nouvelle interface, comme sous Vista. Il y a apparemment, bon, il y a quand même des gros problèmes de communication sur ce truc avec, vous avez un super PC, mais vous pouvez pas l'utiliser. Ou alors, si, vous pouvez l'utiliser, mais on se réserve le droit de pas vous le mettre à jour. Ou gna gna. Bon. Ça commence à faire beaucoup. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui commencent à en avoir marre d'avoir le. Enfin, disons, le menu démarre au milieu, ça plaît pas à tout le monde, manifestement. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Et alors, le dernier truc, effectivement, qui ressemble à une Vista, c'est que, apparemment, sur Windows 11, vous pouvez avoir des pertes de FPS, c'est-à-dire vous pouvez avoir des pertes de fluidité dans les jeux vidéo, qui sont très très loin d'être anecdotiques, puisqu'elles varient entre 5 et 30%, et voilà, autour de 20%, quoi. Ça dépend du jeu. Et alors, les mecs qui ont découvert ça, c'est des mecs qui font les benchmarks 3D Mark. À machine égale, j'imagine, hein, à performance, enfin à matériel équivalent, j'imagine. Oui, c'est sur la même machine, parce que et alors donc justement, ils se sont dit mais d'où ça vient? Et apparemment, ça viendrait du VBS, donc le Virtualization Based Security. Donc le VBS, c'est un truc qui utilise des instructions de virtualisation du processeur pour pouvoir sandboxer en gros les applis et voilà, pour que ça soit super sécur. Et vous vous souvenez quand je vous disais que les mecs ils disaient chez Microsoft que ouais, ne vous inquiétez pas avec le bon processeur, mais évidemment, attention, il faut un truc de génération 8 ou plus, hein, parce que sur les vieilles poubelles ça marche pas, mais sur un truc de génération 8 ou plus, c'est zéro, vous voyez pas, c'est complètement transparent, c'est, on a fait ça, on a super optimisé. Bon, résultat, t'as Zero Down qui prend 20% de FPS en moins, tu te dis sérieusement là, c'est parce que les mecs ils ont désactivé VBS, c'est remonté à son truc. Sur Tomb Raider par exemple, hein, ça passe de quelque chose comme 100 FPS à 70 ou un truc comme ça quand vous remettez le VBS. Alors personnellement, j'ai aucune idée de pourquoi. Techniquement, je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas pourquoi est-ce que c'est à ce point en fait. Je comprends pas comment est-ce que ça peut bouffer des trucs à ce point, surtout sur la carte graphique. Surtout que ça varie beaucoup entre les jeux, enfin c'est pas du tout clair de ce qui se passe en vrai. Toujours est-il que pour le meilleur système d'exploitation pour le jeu vidéo, d'après Microsoft, se prendre un truc qui, sur un core de génération 10, je l'ai pas précisé, mais la machine test, une core de génération 10 avec une 3090. Je veux dire, sur un core de génération 10, vous bouffe entre 10 et 30% de performance dans les jeux vidéo. Les mecs, sérieusement, qu'est-ce que c'est ? Enfin, je veux dire, bon, je pense que c'est la pire pub qu'ils pouvaient avoir, puisque, bien entendu, ça veut dire que même si, dans 2 semaines, ils corrigent ça par un patch parce que c'était un problème de bug ou quoi que ce soit, t'imagines l'image ? Je veux dire, aucun gamer ne va passer sous Windows 11. C'est même pas un rêve. En plus, on est à un moment où tu peux carrément pas changer de carte graphique. C'est beaucoup trop cher, il n'y en a plus, enfin, on est en pénurie totale. Donc, perdre 30% dans un jeu vidéo, mais je veux dire, c'est même pas un rêve. Donc, ouais, ça sent la Vista. Hein. Ouais, ça sent la Vista et je sais pas où ça va terminer, mais l'avenir est pas au beau fixe pour Windows 11 en tout cas. Mais peut-être que c'est une technique pour amener les gens à consommer sur Xbox leurs jeux vidéo, Guillaume. Ben ouais, parce que ça, c'est la news la plus courte du monde. xCloud arrive sur Xbox. Bon, enfin, tous les cas, ça commence à arriver sur Xbox. Ben, il était temps, je crois, hein, je dirais, mais voilà. Ça faisait un petit moment qu'on en parlait. Oui, effectivement. et la PS4 qui ne sera pas forcément condamnée à être mise à la poubelle parce qu'on pourrait plus la faire fonctionner. Ouais, c'est un point de détail qui, moi, perso, que je trouve très bien, mais c'est vrai que tout le monde s'en fout probablement. Mais j'en avais parlé, il y avait un problème avec la PlayStation 4 qui était que, en fait, la PlayStation 4, quand vous lancez un jeu vidéo, qu'il soit physique ou pas, il fait un check de entre son horloge interne, parce qu'évidemment la PS4 a une horloge interne avec une petite pile comme ça pour garder l'heure, ben elle vérifie que son horloge interne est synchronisée avec un serveur du PSN. Et si ça marche pas, s'il y a un problème de synchronisation, ben il lance pas le jeu, tout simplement. Le jeu refuse de lancer. Bon, évidemment, c'est un problème. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, il ne peut pas faire le check. Et le truc, c'est que si la pile meurt, le check, il est forcément mauvais, puisque l'horloge, elle est pas à jour. Et en fait, il semblerait que, bien que ce soit pas public, la version 9 du système d'exploitation de la PS4 enlève ce problème, parce que tout simplement, il fait plus le test. Voilà. Donc cette communication entre les systèmes, entre l'horloge du système et le PlayStation Network ne se fait plus, ce qui fait que probablement la PlayStation 4 continuera à vivre même si le PSN n'existe plus, parce que c'était aussi ça l'enjeu, quoi. S'il peut pas joindre le PSN, forcément ça pose problème. Donc ça, c'est plutôt un bon move pour la préservation du jeu sur Sony. Bon, un autre mauvais move que j'ai pas mis, parce que c'est tout récent, je viens de le lire, c'est qu'apparemment Sony envisage de virer les moyens de paiement sur le PlayStation Store de la PS3 et de la PS Vita. Donc en gros, vous pouvez plus payer sur PS3, vous pouvez plus acheter de jeux sur PS3 ou PS Vita, à moins d'utiliser une carte prépayée avec un code que vous rentrez et de créditer votre truc comme ça. Donc en fait, voilà, vous pouvez plus payer ni par PayPal ni par Visa. Ce qui est une manière d'assassiner les stores des PS3 et des Vita. Et d'étouffer tout simplement ces machines encore un petit peu plus. Bon, on se souvient qu'ils avaient menacé de fermer littéralement les magasins il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un backlash, donc ils avaient renoncé. Bon, ben là, en fait, au lieu de l'assassiner d'un bon coup de lui trancher la gorge proprement, non, là, il étouffe petit à petit avec un oreiller. Bon, c'est une manière de faire. Ouais, ça prendra plus de temps, mais ils arriveront au même résultat vraisemblablement. Allez, on va conclure avec le Steam Deck. Je sais pas si t'avais suivi, toi, Matt, le Steam Deck. Je sais que tu regardes quand même du coin de l'œil tout ce qui est jeux vidéo et que t'avais tourné ton regard de plus près vers la Switch. Est-ce que tu avais suivi la sortie de la Steam Deck, son annonce en tout cas? Oui. J'ai changé de nouvelle quand j'ai vu le prix, mais oui, j'avais regardé ça. Bon, y a du nouveau, Guillaume, côté Steam Deck. La Steam Deck, elle est sexy, elle est très très sexy, elle est de plus en plus sexy en fait, parce que, donc oui, alors c'est vrai que c'est assez cher, parce que c'est $400 pour la version de base, qu'il ne faut probablement pas acheter, puisque c'est 64 gigaoctets d'IMMC, donc c'est petit et c'est lent, IMMC, c'est pas génial. Qui peut encore faire des plateformes avec du IMMC en 2021 Oui, je suis assez d'accord, mais donc en gros, c'est pour tirer les coûts au maximum et pour avoir une entrée de gamme à $400, quoi. Donc l'IMMC, effectivement, 64 gigaoctets d'IMMC, ça coûte que dalle, donc ça doit aider, mais en fait, la version à prendre, je pense, c'est celle à $529, qui est 256 gigaoctets de SSD cette fois. Vous avez une variante à $650 avec 512 gigaoctets de SSD, toujours en NVMe, ce qui donne donc des performances qui sont très, à mon avis, très correctes, mais effectivement, le ticket d'entrée, du coup, c'est $530 et ça commence à faire beaucoup. Mais bon, pour ça, vous avez quand même une bombe. Je veux dire, vous avez un truc qui est basé sur du Zen 2 4 cœurs, vous avez un GPU RDNA, RDNA 2, c'est assez extraordinaire. Vous avez une machine. Alors, à quel point c'est extraordinaire? Vous avez une machine donc qui a la taille d'une très grosse Switch, parce que c'est quand même assez gros, on va dire, c'est un peu plus, quand même plus lourd. Mais là-dessus, vous faites tourner des jeux PC, vraiment. Et alors, il y a eu des benchmarks, justement, c'est ça qui est intéressant. Donc, vous faites tourner quoi? Vous faites tourner Shadow of the Tomb Raider, en high, en 30 FPS de moyenne. Vous pouvez aller jusqu'à 60 FPS en jouant sur les réglages. Vous faites tourner Doom Eternal en low, en 60 FPS. Ou vous pouvez monter un petit peu et baisser à 46, mais ça reste quand même très jouable. Vous faites du Dota en high à 47 FPS, et vous faites du Cyberpunk 2077 en high entre 20 et 30 FPS. Tout ça sur une machine portable, en local, c'est absolument incroyable. Et c'est un truc qui mais même pas si chaud que ça, puisque c'est autour de 43 degrés de dégagement de température, ce qui est quand même pas si énorme. Donc, c'est une bombe, c'est cher, mais je dois avouer que c'est un truc qui, enfin moi, qui regarde un petit peu les GPD Win comme ça, avec un œil, avec un petit peu de bave au coin de la lèvre, je dois avouer que là, ça les enterre complètement, quoi. C'est une véritable bombe, le Steam Deck. Il y a même la version à 679€ pour 512 gigaoctets de stockage. Et en plus, vous avez à ce tarif-là le vert avec traitement anti-reflet de qualité supérieure. On se croirait avec l'Apple Watch d'Apple. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette revue autour des jeux vidéo. Merci pour la préparation de cette émission. Merci beaucoup à toi, Matt, d'avoir participé à cet épisode de Tech Café et cette inauguration de ce duo que vous avez réalisé à mes côtés. Merci beaucoup. Matt, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Oui, profduweb.com, c'est vraiment l'adresse où vous pouvez trouver mes liens. Et puis, ben, si le cœur vous en dit, je fais partie de ceux qui croient encore pouvoir monter une chaîne YouTube en 2021. Et ben, si le cœur vous en dit, ben, allez vous abonner. Allez cliquer dans les notes de l'émission, vous avez les liens profduweb.com et la chaîne YouTube de Matt. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Je sais pas, peut-être sur gagneragent.com pour pouvoir avoir suffisamment d'économies pour acheter un Steam Deck à 512. Soutenez-nous sur Patreon, bien évidemment, pour que Guillaume puisse acquérir la Steam Deck et vous faire ses retours. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et une fois tous les 15 jours, parce qu'on a repli, on a remis de l'essence dans la voiture avec Matt pour ReLife. Donc allez écouter, vous vous abonnez à ReLife et vous allez écouter nos nouveaux épisodes depuis la rentrée. Merci beaucoup donc pour votre fidélité et je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Ciao.